Bonjour à toutes et à tous. Et je dis bonjour à Daouda. Ça fait un bon bout de temps que ce monsieur qui était avec nous au foyer ne venait pas. Je dis merci à Dieu parce que nous étions ensemble pour le PPS de Karim. Et il a décidé de venir et de passer, de faire le culte avec nous. Bonne arrivée. Bon, c'est mon fiston, il est de Tougan. Et j'ai fait beaucoup d'histoires. Je n'ai pas raison. J'ai toujours dit que les Ouagalais n'ont pas de bon caractère parce qu'ils sont ensemble et souvent ils ne se voient pas. Bon, je suis moi-même Ouagalais, donc je vois qu'il y a souvent des bonnes habitudes qu'il faut garder et c'est normal qu'on s'encourage les uns et les autres. Donc merci pour ce temps que tu vas passer avec nous et encore revoir des frères et des sœurs que tu n'as probablement pas vus il y a assez longtemps. Ce matin, je voudrais partager avec vous le thème sur la prière. Je crois que nous prions, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne prie pas? Nous prions tous les jours. Ou bien il y a des gens qui prient quelques jours et puis ne prient pas d'autres jours. C'est tellement évident comme un acte que nous, en tant que enfants de Dieu, nous pratiquons. Mais vous voyez, la plupart du temps, ce qui est tellement évident, on finit par négliger ou de fois ne plus aller dans la bonne direction. N'est-ce pas? Quand vous regardez autour de vous, ce qui semble évident, tout le monde veut que tout soit propre. C'est pas cela? Pour que tout soit propre, ça voudrait dire qu'il ne faut pas jeter les choses partout. C'est cela? Mais est-ce que les gens ne jettent pas les choses partout? Vous allez voir des gens qui boivent un sachet, descendent la vitre de leur voiture et puis jettent comme ça. Vous allez dire, mais comment on peut faire ça? Vous allez voir, les gens vont faire, on salit, pas des enfants, mais parce que c'est quelque chose d'évident. Personne ne veut que tout soit sale. Tout le monde veut que tout soit, que partout soit propre. Mais les gens, parce que c'est tellement évident, les gens ne suivent pas. Ce matin, je voulais commencer d'abord par poser une question. Si on vous demandait à vous de donner une définition de la prière, on dit la prière, quelle est la définition que vous allez donner à la prière? Je vous écoute. Je crois que chacun a une définition de la prière. Oui, Kassa. Le moteur. Ah. Il a parlé en scientifique, hein? Il a parlé en scientifique. Dit le moteur. Bon. Bon. Ça, sans la prière, on ne peut rien faire. Voilà la définition de Kassa. J'ai dit une définition, hein? À vous de juger. Oui, mon frère au fond. Acte religieux par lequel on s'adresse à son Dieu. Ok. Oui, Roger. Bon, selon moi, c'est une demande qu'on adresse à Dieu. Demande ou requête qu'on adresse à Dieu. Ok. On continue, on progresse, oui. Toi, tu ne vas pas donner une définition scientifique, hein. Ok. Ça peut être une personne ou bien Dieu. Ok. Ali. Communiquer avec Dieu. Lui, il a parlé en juriste. Ok. Lui, il a parlé en juriste. Hein? Il a résumé et puis il dit maintenant le contenu, ça dépend. Merci. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres qui veulent ajouter? Oui, Tani. Ok. Tania a ajouté, on l'écoute, ou bien nous lui parlons, ou bien on l'écoute, il nous parle aussi. D'autres vont ajouter? Ali a donné comme un résumé. C'est quoi? C'est communiquer avec Dieu. Et quand on dit communiquer avec Dieu, bon, je pense que même les tout petits, quand ils prennent le portable, ils disent allô, ils savent qu'on parle à quelqu'un. Et quand on parle à quelqu'un, on fait quoi aussi? On l'écoute. Voilà. J'allais dire, Ali a donné là, le résumé de ce que c'est que la prière. C'est la communication avec Dieu. Et cette communication peut se faire de plusieurs façons. Il y a d'abord le fait que on peut l'écouter comme lui aussi, il peut nous écouter. Donc, merci pour cette définition. Et je crois que chacun de nous, comme notre frère a dit, c'est une adresse, c'est adresser quelque chose à Dieu. C'est la raison pour laquelle, si vous regardez autour de vous, les gens prient. C'est pas cela. Martine a donné l'exemple tout de suite. C'est une grâce pour nous, en tant que chrétiens, de connaître Jésus. Il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus. Mais est-ce qu'ils ne disent pas qu'ils prient? Ils ne prient pas? Je veux même dire qu'ils prient plus que nous. C'est pas vrai? Répondez-moi. Ils ne prient pas plus que nous? Plus que nous. Certains ont des heures données et de façon systématique. Et devant leur boutique, si le leur, ils ferment et puis ils partent, ils vous laissent. Nous, les chrétiens, on ne va pas oser faire ça. On va dire, ah, est-ce qu'il faut pas, faut le ménager, c'est un manque de respect. C'est ça, non? Nous allons dire, mais ils vont et ils vous ferment tout devant le nez et puis ils continuent, ils vont parce qu'ils veulent prier. La communication avec Dieu. Maintenant, dans quel but on peut communiquer avec Dieu? Le contenu de la prière, je crois qu'il y a beaucoup de diversité dans le contenu de la prière. L'homme, en tant qu'homme, créature de Dieu, sent souvent ce besoin-là. Il y a quelqu'un au-dessus de moi. Ceux qui ont déjà vu, ceux qui ont des idoles, vous pouvez savoir tout ce qu'ils font lorsqu'ils s'adressent à ces idoles-là. Ce n'est pas une forme de prière, n'est-ce pas? Et de voir ce que nous n'allons pas oser penser, c'est ce qu'ils vont faire pour s'approcher de quelque chose qui ne parle pas, qui ne voit pas, qui n'entend pas, qui ne peut même rien faire pour eux. Mais ils vont y aller avec toute leur force, toute leur énergie. Et vous qui connaissez le vrai Dieu, vous pouvez être étonné. Si vous vous rappelez un peu de l'histoire du peuple de Dieu, lorsqu'on parlait de Élie avec les prophètes de Baal, de la manière dont ils s'adressaient à leur Dieu, criaient, même se déchirer quelquefois pour qu'il parle, pour que le Dieu agisse. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous savons que cela n'est pas utile. On ne va pas le faire. Nous allons voir un certain nombre de choses à propos de la prière. Nous avons déjà, en discutant, donné la définition de la prière, cette communication avec Dieu. Nous allons voir ce qu'on peut rechercher en communiquant avec Dieu. Dans un deuxième temps, nous allons voir de manière pratique. Quand on dit prier, de manière pratique, c'est quoi? Ensuite, il ne suffit pas de prier pour prier, il faut faire la prière convenable. Si vous ne priez pas de façon convenable, le Seigneur l'a dit plusieurs fois, ce n'est pas crier, parler beaucoup. Non, il y a une manière convenable de prier. Et enfin, je crois que si nous prions, c'est parce que nous visons un objectif. Si nous prions, c'est parce que nous avons la certitude que nous allons recevoir un exaucement, n'est-ce pas? Si vous priez sans avoir d'exaucement, est-ce que vous allez prier? On ne le fait pas. Non. En tant qu'enfant de Dieu, nous communiquons souvent avec Dieu la raison, nous visons quelque chose, nous avons cette certitude que lorsque on s'adresse à lui, qu'on le regarde comme Dieu, le Père, comme le Créateur, nous avons une certitude qu'en s'adressant à lui, nous allons avoir un retour. Quand vous regardez les enfants, lorsqu'il vient et dit « Maman, maman, je veux ça, je veux ça », si maman lui répond, est-ce qu'il s'inquiète encore? Il s'inquiète? Non. Il a dit « Maman, je veux ça », elle a dit « J'ai entendu ». Elle n'a pas dit « Je vais te donner », mais elle a dit « J'ai entendu ». Ça veut dire quoi? Il est rassuré. C'est ça? Et lorsque nous prions, lorsque nous communiquons avec Dieu, nous voulons nous rassurer qu'il a entendu. S'il a entendu, est-ce que nous avons de quoi nous inquiéter encore? Non. Mais nous sommes souvent pressés. Nous voulons qu'il réponde tout de suite et maintenant. Est-ce que c'est toujours tout de suite et maintenant qu'il répond? Je vous pose la question, c'est tout de suite et maintenant. Je veux un enfant, je veux un enfant. Et puis, voilà, l'enfant est déjà là. C'est comme ça? Non, mes frères. Non, ça ne se fait pas comme ça. Il faut du temps, qu'il y ait une grossesse, et ensuite du temps jusqu'à ce qu'on ait cet enfant. Ça fait combien de temps? Est-ce que vous pouvez calculer cela? Vous pouvez exiger que ça soit comme ça? Même si c'est tout de suite et maintenant, il faut attendre 9 mois. C'est ça? Mais nous voulons souvent tout de suite et maintenant. Alors, nous n'avons plus cette assurance de la certitude, de l'exactitude de l'exaucement. Et c'est ça qui fait que souvent les chrétiens sont assez bouleversés. Nous allons voir comment nous rassurer en cela. Pourquoi prie-t-on? Quand nous regardons l'Ancien comme le Nouveau Testament, nous voyons qu'il y a eu beaucoup de ceux qui ont connu ce Dieu que nous connaissons, beaucoup s'adressaient à lui, communiquaient avec lui. Je voudrais que nous lisions quelques passages dans les psaumes. Je vais demander à quelqu'un de nous lire le psaume 42, les versets 2 et 3. Une autre personne va lire le psaume 63, versets 2 à 4. Et puis une dernière personne va nous lire le psaume 84, le verset 3. Donc vous précisez, et puis votre version et vous lisez. Psaume 42, versets 2 et 3. Le prochain cherche psaume 63, versets 2 à 4. Et le dernier, psaume 84, verset 3. Je vous écoute. Comme une biche soupire après des cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de toi, du Dieu vivant, du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je me présenter devant Dieu? Merci. Quelqu'un peut nous lire le 63, 2 à 4? Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, j'ai soif de toi. Tout mon être soupire après toi. Comme une terre aride, desséchée, sans eau. Dans le temple, je t'ai cherché du regard pour voir ta puissance et ta présence glorieuse. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Je proclamerai ta louange. Merci. Et le dernier passage, le psaume 84, le verset 3. Mon âme soupire après les paroles de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Merci. Quand nous lisons tous ces versets dans ces trois psaumes, nous remarquons que chacun des versets exprime un désir de l'âme de l'auteur. Ce n'est pas le corps seulement. C'est son âme, c'est profond. Il cherche quelque chose. Et même qu'il utilise, mon âme a soif de toi. D'habitude, quelle est la partie qui a soif? Dans le corps, là. Quand on parle de soif, là, c'est où? Hein? C'est physique, n'est-ce pas? Vous sentez un manque quelque part. La gorge est sèche. Il y a un désir d'avoir quelque chose, d'avoir de l'eau, d'avoir un liquide pour étancher. Ça, c'est physique. Mais vous voyez, il dit, il revient en parlant de son âme qui a soif. Et il veut, il cherche Dieu. Vous voyez, ce n'est pas physique. Mais on voit un désir et un effort fait par le psalmiste dans ces versets pour essayer de toucher Dieu, d'avoir un contact avec lui. Il sait qu'il y a un manque en lui et ce manque ne peut être comblé que par son contact avec Dieu. La prière, c'est chercher justement à toucher Dieu, à combler ce manque-là. Et c'est dans l'âme, dans l'être intérieur. Et souvent, quand vous voyez quelqu'un qui dit qu'il prie, l'attitude, si vous avez une attitude qui n'est pas convenable, est-ce qu'on peut voir ce manque-là en vous? C'est un peu compliqué. N'est-ce pas? Vous trouvez quelqu'un qui est en train de marcher dans la rue et il dit qu'il est en train de prier. Il marche à toute allure et il dit qu'il prie. Moi, je vous pose la question. Si on vous dit que le monsieur l'a pris, vous croyez? Vous n'avez pas douté? Malaki, tu n'as pas dit ça, c'est quelle sorte de prière? C'est pas cela? Parce que la plupart du temps, nous avons l'habitude, quand on dit de prier, on fait quoi? On cherche un coin dans le calme. N'est-ce pas? Loin de tout bruit. Et quand vous regardez la personne qui prie, on voit en elle une espèce de quiétude. Mais si quelqu'un se met à gesticuler, à faire des trucs, ah, ça c'est quelle sorte de prière ça? C'est pas cela? Vous avez déjà été dans des lieux où vous trouvez des gens prient. Au nom de Jésus, on fait comme ça, on pousse les gens. Vous dites, souvent vous qui n'êtes pas habitué à ça, vous faites quoi? Vous cherchez un coin, vous placez, est-ce que vous priez même? Vous priez, vous regardez, parce que vous trouvez que c'est quelque chose d'un peu déplacé, n'est-ce pas? Oh Seigneur, aide-nous, aide-nous. Ok. Elle a failli courir. La question qu'on va poser, c'est quoi? Est-ce que Dieu est sourd? Ou bien il dort? Voyez, dans ces trois psaumes, on nous montre que réellement la prière, c'est un désir réel de l'âme. C'est profond. Une soif qu'on veut étancher à travers ce contact qu'on a avec Dieu. La prière peut être également une supplication, des cris. On demande. Et lorsque nous lisons Exode 22, je lis ces versets pour vous. Exode 22, versets 22 et 23. Voici ce qui est dit ici. Tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Si tu les affliges et qu'ils reviennent à moi, j'entendrai leur cri. Ça sont les lois relatives aux mœurs. Et Dieu parle à son peuple là. Ça veut dire quoi? Nous savons tous que la veuve et l'orphelin sont des êtres assez faibles, n'est-ce pas? Donc Dieu prévient son peuple. Il leur dit, je vais écouter leurs cris quand ils viendront vers moi. Si tu les affliges, si tu leur fais du tort, si tu leur fais la force. La prière est comme la communication d'un enfant qui fait recours à un père. Il ne vous est jamais arrivé devant une situation d'injustice et vous dites simplement à Dieu, je n'ai rien à dire. C'est toi qui connais tout, Seigneur. C'est toi qui défends. Tu as dit de ne pas me venger. Donc, je laisse les choses entre tes mains. Vous vous comportez là comme un enfant qui s'adresse à un père. Vous avez besoin de son secours. On peut prier dans ce sens-là. Nous pouvons également prier en implorant Dieu. Si vous allez dans Actes 7, au verset 59, lorsque Étienne se trouvait devant cette situation où on voulait le lapider avec, on voulait le tuer, le lapider à mort, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est agenouillé simplement et puis il s'est adressé au Seigneur. Il n'y a pas d'autre possibilité. C'est une supplication. Je me remets à toi. Et c'est un peu compliqué à comprendre. Mais qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre? Moi, je vous pose la question. Il s'est adressé à Dieu. Quelqu'un a trouvé le passage? Acte 7, le verset 59. Lisez ce que Étienne a fait. Il jetait des pierres à Étienne, en disant, Seigneur Jésus, accueille mon esprit. C'est Étienne qui dit ça. Seigneur Jésus, accueille mon esprit. Ce n'est pas une prière. Il ne s'adresse pas à lui. Dans un cas difficile, nous voyons comment il s'adresse. Il ne s'est pas levé pour fuir. Notre texte ne nous dit pas qu'il avait la possibilité de fuir ou autre. Mais il s'est laissé simplement et dit accueille mon esprit. Vous pensez qu'il a accueilli son esprit ou pas? Hein? Son esprit a été accueilli ou pas? Oui! Parce qu'il est demeuré, il a fait le travail que le Seigneur voulait qu'il fasse. Voilà, des gens sont tombés sur lui, il s'est remis simplement à son Seigneur. Souvent, nous pouvons nous poser la question, pourquoi on doit prier d'ailleurs? Pourquoi doit-on prier? Si je pose cette question-là, pourquoi doit-on prier? Nous avons déjà donné la définition, c'est communier avec Dieu, avoir une communication avec Dieu. Mais si je vous demande pourquoi on doit prier, est-ce que tout le monde comprend qu'il faut prier? Tout le monde comprend cela? Je me suis trouvé devant le repas, on s'apprête à manger et puis un enfant fait la main comme ça et dit, on va prier. C'est un enfant qui fait ça. Il fait la main comme ça. C'est-à-dire, pour lui, il ne faut pas qu'on touche au repas avant qu'on mange. Donc, la raison c'est quoi? Les gens lui ont montré qu'avant de manger, on fait quoi? On prie et il obéit à ça. Ça devient automatique. Mais si je vous pose la question, pourquoi doit-on prier? Oui, Kassa. Une protection de Dieu avant de manger. Oui. Action de grâce, voilà. On peut, oui. En général, on montre sa dépendance à Dieu. Voilà. On montre en priant qu'on dépend entièrement de Dieu. On dépend entièrement de lui. Ce repas, on dit merci parce que c'est lui qui a permis qu'on puisse l'avoir même d'abord. Et puis qu'on ait la tranquillité de pouvoir le manger. Vous pouvez avoir le repas et ne pas le manger. Ou bien, ça peut arriver. Vous l'avez, mais vous n'allez pas le manger. C'est remercier Dieu de ce qu'il a encore permis cela parce qu'on dépend entièrement de lui. Oui, on le fait pour montrer notre dépendance réelle à Dieu. Mais lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, ceux qui ont compris, ont considéré que c'était comme un devoir. C'est-à-dire que c'était un commandement qu'on on doit faire. Quelqu'un peut nous lire dans Matthieu 7:7? Matthieu 7:7. Vous précisez votre version et vous lisez. Matthieu 7:7. Il Quelqu'un a trouvé? Matthieu 7, verset 7. Matthieu 7, verset 7. Oui. Verset 8, c'est bon. Mm-hmm. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Ok, merci. Si vous ne demandez pas, est-ce que vous allez avoir? Je pose la question. Si vous ne demandez pas, est-ce que vous allez avoir? Non. Si vous ne demandez pas, on ne connaît pas votre besoin. Ou bien, la parole de Dieu nous dit, même avant d'avoir ouvert notre bouche, Dieu sait de quoi nous avons besoin. Mais pourquoi il faut demander? Martin vient de dire tout de suite, c'est notre dépendance. Quand vous dépendez de quelqu'un, si vous avez un besoin, vous ne gardez pas ce besoin pour vous. Les enfants qui sont là ont dû de payer la scolarité. Il sait que ça ne sort pas de sa poche, il va vers qui? Isaac, c'est vers qui tu vas? Ok. Vous voyez? Il sait que s'il s'agit d'argent, ah, c'est pas que maman n'a pas d'argent, mais il sait que ce côté-là, c'est lui qui s'occupe de cela. Ça, vous allez vers lui parce que vous dépendez de lui. La prière ici montre notre dépendance. On demande. Il a dit, demandez et vous recevrez. Si vous ne demandez pas, ne vous attendez pas à ce que vous recevez. Parce que peut-être, vous voulez quelque chose, vous n'avez pas dit, et puis vous êtes arrêté dans votre tête, on va vous donner. On peut vous donner, mais peut-être ça ne va pas vous satisfaire. N'est-ce pas? Pensez souvent au lieu où on sert le repas. Vous envoyez votre plat, on dit quoi? On a mis. Et si vous pensez que ça ne va pas vous suffire, vous dites quoi? Vous dites quoi? Ajoutez. C'est pas ça? Ou bien la personne qui vous sert même demande. Quand elle vous donne, elle regarde votre mine. Et se rend compte que le monsieur là veut peut-être qu'on ajoute. Il dit d'ajouter, vous dites oui. Certains vont venir trouver que c'est gros comme ça, ils disent, il faut diminuer. C'est ça, non? Ok. Ceux qui ont déjà eu à servir des gens, vous rencontrez ces choses-là. Donc, celui qui est devant vous, il connaît son besoin et il dit voilà, il s'exprime. C'est nécessaire de demander. En tant qu'enfant de Dieu, comprenons cela une bonne fois. C'est nécessaire pour nous de demander à Dieu. Il a dit, demandez et vous recevrez. Frappez et on vous ouvrira. Si vous arrêtez devant la porte sans frapper, on n'est pas censé savoir que vous êtes devant la porte. Vous allez rester là-bas, la pluie va vous battre. Je lis un autre passage dans 1 Chronique 16, le verset 11. Voici ce qui est dit là. C'est lorsque David avait déjà aménagé la tente dans laquelle il allait placer l'arche de l'Éternel. Voilà ce qu'il dit aux autres. Après avoir confié des responsabilités aux uns et aux autres, je peux monter jusqu'au verset 9 par exemple, il a dit « Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles, glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. » Le verset 11, il dit « Ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. » Vous avez vu? Ayez recours. Donc la prière, c'est comme un commandement qui donne. Il faut aller toujours vers l'Éternel. Et il a dit continuellement. Continuellement, ça veut dire, ça a un sens. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'interruption. On peut être dans une situation qui est bonne. On peut être dans une situation difficile. Mais qu'est-ce qu'il dit? Continuellement, ça veut dire, vous ne vous arrêtez pas. Cherchez son appui. Nous avons besoin de son appui. Et lorsque vous lisez ce que l'apôtre Paul a dit, en 1 Thessaloniciens 5, 17, lui, il a dit de faire quoi? De prier sans cesse. Lui, il a compris cela. C'est dans son ministère, la douleur qu'il a traversée, toutes les épreuves devant lesquelles il se trouvait, il dit, priez sans cesse en s'adressant aux Thessaloniciens. Donc, c'est comme un encouragement, une exhortation à ces gens-là. Et quand vous lisez les différentes épîtres qu'il a écrites, chaque fois il dit aux gens qu'il prie pour eux continuellement. À tout moment, il pense à ces gens vers lesquels il est allé prêcher et qui ont accepté le Seigneur. « Donc, la fréquence de la prière, je peux dire que c'est à tout moment. N'est-ce pas? Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que le Seigneur, lui-même, il a souvent prié toute la nuit. Quand nous lisons dans Luc 6, au verset 12, avant de faire le choix des disciples, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit qu'il a prié toute la nuit. Vous avez déjà prié tout seul toute une nuit? Ça est arrivé? Prier tout seul toute une nuit. Je ne parle pas d'une veillée où beaucoup de gens font du bruit. Si c'est la veillée, vous êtes encouragés par les uns et les autres. Mais quand on est seul, ça c'est encore pas simple. Mais le Seigneur s'est retiré, il a prié toute la nuit. Et je vous pose la question. Après, il a recruté ses disciples-là, il les a choisis. Si c'est vous, humainement, vous allez dire qu'il a fait un bon choix? Charles, tu peux m'aider? Il a prié toute la nuit. Après, il a choisi ses 12 disciples. Regardez un peu qui sont ces 12 disciples-là. Si c'est vous, humainement, vous allez dire qu'il a fait un bon choix? Pourquoi, Kinani? Ok, des gens qui avaient une connaissance, ça c'est vrai. Est-ce que c'était tout? Des gens qui avaient une vie convenable, ça c'était le premier point. Si vous, on vous demande de choisir des gens aujourd'hui, même si vous ne connaissez pas tout, mais une des choses, c'est que vous allez demander, leur témoignage c'est quoi? Hein? Il faut que vous ayez une idée. Si on dit que le monsieur a déjà fait la prison, vous allez le prendre? S'il a déjà fait la prison, il faut faire attention. C'est ça, non? Parce que c'est possible que les vieilles habitudes reviennent. C'est pas ça? Il n'y a pas de confiance tellement. Le Seigneur a choisi des gens. Et dans le lot, il y avait des gars qui n'avaient pas une bonne vie. Si vous lisez, quand il a commencé à les prendre, on vous précise même qu'il a pris Judas, le traître. Quand on dit traître, là, vous pensez que c'est bien? C'est un bon qualificatif? Non. Nous, on allait dire, mais il a passé toute une nuit à prier pour aller choisir des gens comme ça. Et dans le lot, on avait des gars assez violents comme Pierre, d'autres personnes qui étaient bizarres. Mais pourquoi le Seigneur a fait tout cela? Il les a choisis. Nous, humainement, en regardant avec nos yeux, nous allons nous poser des questions. Mais Dieu savait pourquoi il les a choisis. Parce qu'il les a choisis pour un but. Chacun d'eux était là pour un but. Parce que c'est lui qui est le Dieu qui a la main sur les circonstances. S'il n'y avait pas eu Judas avec lui, qui allait partir trahir pour qu'on le cloue sur la croix? Vous allez dire quelqu'un d'autre. S'ils étaient tous des gens qui avaient la vie réglo, comme nous avons l'habitude de le dire, des gens qui étaient corrects, lequel correct va accepter aller faire ça à Jésus? Il y allait en avoir, ça allait être compliqué. Mais il y avait son plan. Et dans son plan, il fallait qu'il y ait ces gens-là aussi. C'est pour cette raison qu'il dit que c'est lui qui a créé le méchant. Et il y a un jour pour le méchant. Il n'est pas un Dieu injuste, il est juste. Parce que pour cette raison, il fait pleuvoir la même quantité de pluie sur le méchant comme sur le bon. C'est pas cela? Si c'est nous, celui qui est méchant, on ne va pas lui donner suffisamment de pluie. Celui qui est bon, donne-lui en abondance. C'est pas ça? Les mamans qui ont des enfants qui ne sont pas obéissants, quand on fait le partage, on fait quoi? Celui qui est obéissant, on lui donne un gros morceau. Celui qui est désobéissant, on lui donne un petit morceau. C'est pas ça? Vous acceptez de donner le gros morceau au désobéissant là? Et puis on lui dit, la prochaine fois, il faut bien te comporter. Mes soeurs, apprenez, ce sont des leçons. C'est une manière de lui dire de se ressaisir. On l'aime. Si on ne voulait pas, on lui donnait même rien. Mais on lui donne. Et puis on lui dit, la prochaine fois, fais mieux. Et puis, on va lui donner le gros morceau aussi. Donc, celui qui a eu le gros morceau aujourd'hui, si demain il se comporte mal, on va faire la même remarque. Ou bien, c'est pas ça? Les bonnes mamans la font ça. Martine, c'est pas ça? Celui qui a bien fait aujourd'hui, s'il fait mal demain, on lui fait des remarques. C'est pas parce qu'il a bien fait hier qu'on le laisse. Non, on fait des remarques. Donc, voyez, Dieu connaît tout cela. Et dans la prière, lui, il a prié. Il a reçu. Et il est allé, parce qu'il a montré sa dépendance vis-à-vis de son père. nous on pouvait dire que lui n'avait pas besoin de prier. Parce que Jésus connaissait tout, n'est-ce pas? Ces gens-là, il les connaissait tous. Il savait déjà quelle sorte de personne il allait avoir. Mais pour montrer sa dépendance vis-à-vis de son père, il est allé la passer une nuit entière à prier. Donc raison de plus pour que nous qui ne sommes pas Jésus, que nous comprenons que c'est nécessaire de prier. Et de prendre du temps de côté et de prier. C'est nécessaire. Il y a des fois, nous nous demandons de quelle manière, dans quelle position je dois même prier. Il ne vous est jamais arrivé, lorsque vous arrivez quelque part et puis les gens sont en train de prier, quelqu'un s'est couché en train de prier, vous vous fâchez. Vous dites, mais c'est quoi ça? J'ai ma collègue qui m'a dit un jour, il n'y a pas longtemps de cela, ils étaient à l'église, l'église centrale des Assemblées de Dieu, c'est une grande église. Un pasteur est venu, il a prêché. Et après la prédication, il était avec un certain nombre de gens. Et puis, après la prédication, il a dit, mes frères, je voudrais que nous prions. Que chacun prenne la position qui lui convient. Ce matin, Martine nous a dit, elle n'a pas ce réflexe de dire, levez-vous, asseyez-vous, non. Elle dit, celui qui pense, prenez la position qui vous convient pour chanter, n'est-ce pas? Ce pasteur a dit cela. Parce que lui, dans son église, ils ont l'habitude de faire quoi? Ils ont l'habitude de se coucher même, carrément à terre pour prier. Donc ceux qui étaient avec lui, et même lui le pasteur, ils se sont étalés sur le sol. Et ma collègue a dit, elle a regardé à sa jupe. C'était blanc. Bon, et puis elle a dit, mais ça veut dire quoi ça? Si elle doit se mettre sur sa jupe là, et puis plier ses pieds, et puis prier, bon, quand elle va se lever, il y a des tâches qui vont rester là-bas, non? Ou bien, deux tâches vont rester là-bas. Bon, mais elle a dit, mais le pasteur là lui-même, il s'est couché. Bon, certains se sont assis, parce que dans leur habitude, à l'église là-bas, on a l'habitude de s'asseoir et de prier. Se coucher pour prier, Et puis elle me dit, mais il y a quelque chose qui m'a même un peu offusqué. Les pasteurs là-même, ces grands messieurs-là, personne ne s'est agenouillé. Ils sont restés sur leur chaise. J'ai dit, ma soeur, ils n'ont pas l'habitude de faire ça. Et ils trouvent que c'est déplacé peut-être. Mais quand nous lisons la parole de Dieu, toutes ces positions-là sont permises. Vous lisez, Jésus, avant qu'on ne vienne le saisir, lorsqu'il a demandé aux disciples de prier, il est dit qu'il s'est avancé. Il a fait quoi? Il s'est jeté sur ça, sur la face. Vous croyez qu'il s'est jeté sur la face là, c'est quoi? C'est quoi? C'est comme ça? Non. Il s'est étalé. Et il a prié. Et dans la parole de Dieu, il y a tellement d'exemples de gens qui se sont mis à terre. Certains ont fléchi le genou. Ça, c'est ce qu'on connaît. D'habitude, on dit ah. Même si on dit de fléchir le genou aussi, les gens souvent regardent à leur genou. Si le pasteur dure longtemps avec nous, on est sur le genou, tu peux vraiment le type là. Il ne comprend pas. Ou bien peut-être comme lui, le sportif, lui, ça ne lui dit rien. Mais à un certain moment, vous souffrez. Non. Il y a toutes les postures qui conviennent, qui vous conviennent. Si vous êtes un malade, vous ne pouvez pas vous lever. Est-ce qu'on peut vous dire de vous tenir debout pour prier? Non. C'est où vous êtes couché, vous allez vous coucher et vous allez demander à Dieu. Il dit que le roi Ézéchias a tourné la face vers le mur et puis il a pleuré et il a prié. Est-ce qu'il pouvait se lever? Non. Mais il a tourné la face, ce qu'il pouvait faire, puis vers le mur et puis il a parlé à Dieu. Toutes les postures qui vous conviennent, vous pouvez les utiliser pour prier. Donc il n'y a pas une posture qui soit inappropriée pour la prière. Ça montre d'ailleurs souvent, quand les gens fléchissent le genou, qu'ils s'humilient devant Dieu. C'est ça? C'est pas cela? Quand vous regardez les gens qu'on va saluer là, hein, les gens se font des genuflexions comme ça. Et dans la culture Mwanga, on ne peut pas aller vers le chef comme ça. Est-ce qu'on le salue en haut comme ça et puis on tend le bras? Bon, chez nous les Samo, c'est comme ça. Hein. Nous, on ne connaît pas ça. Tu viens, tu salues le chef tu n'as pas besoin de faire ça, non. Tu le salues comme ça. Mais chez eux, on ne peut pas faire ça. On dit même de ne pas le regarder en face. Hein? Quand tu le regardes comme ça, on dit, « Yabou, tu fais jetna à moto. Pourquoi tu regardes chef comme ça ?» Donc ça veut dire, en Allah, il faut baisser les yeux, enlever tes chaussures, même souvent te baisser. Tout ça, c'est la position, la posture que vous prenez pour montrer réellement à Dieu que vous vous humiliez devant lui. Il y a beaucoup de postures. Si nous lisons certains passages de la Bible, les gens lèvent les bras. Ils élèvent les bras pour remercier Dieu. Lisez les psaumes. On en a beaucoup où les gens lèvent les mains. Vous avez le psaume... vous avez le psaume 28, le verset 2. David, le roi, lève les mains. Et puis, il prie Dieu. Se tenir debout. Allons dans Marc au chapitre 11, le verset 25. Et c'est là que Jésus parle. Lui donne des instructions. Marc 11, 25. Voici ce qu'il dit. Marc 11, 25. Je lis dans 8 secondes. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Quand vous êtes debout, en train de prier, Marc 11, 25, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Debout, en train de prier. Donc, ça veut dire qu'on peut prendre toutes les postures qui nous conviennent. Nous avons décidé d'avoir ces journées de jeûne et prière pour avoir suffisamment de temps pour aller devant Dieu avec les sujets, des actions de grâce et aussi pour lui confier des requêtes. Et je vous ai dit la dernière partie qu'on va voir après au moment du jeûne et prière, c'est parce que nous avons l'assurance que nous serons exaucés, que nous allons en prière. Si vous priez sans aucune assurance de l'exaucement, vous allez vous décourager et vous allez vous arrêter. Il y a beaucoup d'aspects pour lesquels il faut réellement avoir assez de ténacité pour prier. Parce que la prière n'est pas simple. Le diable sait que cette communication que vous avez avec Dieu brouille ses plans. Donc, il va utiliser beaucoup de choses pour vous avoir. Si je dis que les autres prient plus que nous, ce n'est pas que nous n'avons pas la force nécessaire pour prier, mais c'est parce que nous n'avons pas pris la chose au sérieux. Eux, ils prient. Pourtant, souvent, on ne voit rien. Dieu, dans la prière, la communication avec lui, souvent, il attend de nous beaucoup de choses. La patience de notre part. Il peut attendre de nous notre attention réelle. Jésus a dit ici, lorsque vous êtes debout pour prier, ça veut dire que la suite là, votre condition, les difficultés que vous avez avec les autres, si vous ne réglez pas cela, vous ne pouvez pas dire que vous êtes en train de prier et que votre prière va être entendue. Moi, j'ai des problèmes avec des frères. On n'a pas résolu. Et puis, nous nous retrouvons ensemble. On s'est même éloigné. Lui, il est resté vers la porte. Moi, je suis allé plus à l'angle parce que je ne veux pas même être à côté de lui pour qu'à la fin de la prière, à la fin du culte, on va saluer les gens, je vais le saluer. Ça arrive, non? Ou bien c'est quelqu'un, sa femme, ils ont eu des palabres à la maison, ils ne savent même pas parler. Chacun a pris son chemin et puis ils se sont retrouvés à l'église. Vous n'avez pas parlé à la maison. Vous vous retrouvez à l'église. Bon, c'est réglé? Est-ce que c'est réglé? Il y a un problème. Ça n'a pas été réglé. Et puis, allez, au moment de la prière, on est prêt à prier. Jésus a dit non. Quand vous êtes debout, qu'est-ce qu'il faut faire? Marc 11, 25, on vient de lire. Lorsque vous êtes debout, il a dit de faire quoi? De pardonner. Lisez le 26, ajoutez, si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste aussi ne vous pardonne pas. Si vous ne pardonnez pas, est-ce qu'il va écouter votre prière? Il va l'écouter? Non. Il ne va pas écouter votre prière. Donc, je voudrais qu'ensemble, nous puissions prier pour le quarantenaire. N'est-ce pas? C'est dans combien de jours? Les gens ont compté, non? C'est dans? Moi, je parle pas en semaine. Moi, je parle en termes jours. C'est combien de jours? 18 jours. Hein? Dans une dizaine de jours. Voilà. Et vous savez que ça a été préparé de longue date. Et on est en train d'aller doucement vers le quarantenaire. Les gens sont en train de préparer sur le terrain. Les gens sont en train de venir. Voici notre sœur Tani et les enfants sont là déjà. Donc vous voyez, on a besoin d'abord de dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Vous savez que pour une fête de ce genre, il faut beaucoup d'argent. N'est-ce pas? On doit faire manger les gens, on doit inviter certaines, on doit faire déplacer des gens. Si vous n'avez pas assez d'argent, est-ce que vous pouvez le faire? C'est possible? Répondez-moi. C'est possible? Non. Nous avons déjà eu la provision, il y a de l'argent. Donc, ça veut dire qu'on doit dire merci à Dieu. N'est-ce pas? J'ai eu des échanges de mails, j'ai vu que, ah, Dieu merci, les soucis d'argent ont été réglés. Donc, je dis merci à Dieu. On a déjà ceux qui sont prêts, il y a des gens qui ont déjà quitté chez eux, même s'ils ne sont pas encore arrivés ici. Ils sont là et il y a sur place beaucoup d'aspects qui ont déjà été gérés. Donc, ça vaut la peine de dire merci à Dieu, même s'il y a des aspects qui restent. Je sais que les femmes n'ont pas encore vu les pailles, et ça, c'est un souci. Elles se demandent comment les choses vont se passer. Tout ça, ce sont des aspects qu'on va confier au Seigneur. Donc, je voudrais que nous prions pour le quarantenaire avant de clôturer. Je voudrais, dans un premier temps, que nous disions merci à Dieu pour ce qu'il a déjà fait au niveau des préparatifs, que ce soit sur le plan de l'Église nationale ou au niveau des églises locales. De la même façon que nous, localement, les gens sont en train de faire des répétitions, je sais que dans les autres églises aussi, c'est la même chose. Ils sont en train de se préparer. Donc, nous allons dire merci à Dieu qui a permis qu'on puisse aller jusque-là. Tout ce qui a déjà été fait, on va lui dire merci pour cela. Je vais demander à la rangée qui est à ma droite, vous allez dire merci à Dieu pour ce qui a déjà été fait au niveau des préparatifs. Je vais vous demander à vous, ceux de ma gauche, je vais me joindre à eux avec Josué. Nous allons dire merci à Dieu pour la provision financière qui a déjà été réglée. Dieu a pourvu. Donc, on sait que cela n'est pas un problème. Pour aussi toutes les autorisations que les responsables ont reçues au niveau des autorités. Ils devraient avoir des autorisations sur le plan administratif. Je crois qu'ils ont déjà touché le côté sécuritaire pour qu'il y ait une surveillance. On va dire merci à Dieu pour tout ce qui l'a permis que tout cela soit un acquis. Remercions le Seigneur ensemble pour cela. Prions. Père, nous te bénissons. Nous te louons et nous te rendons toute la gloire et tout l'honneur. Merci pour ce que tu as déjà fait. Merci éternel Dieu pour ta provision financière. Merci pour ta provision sur le plan sécuritaire, les demandes, tout ce qui a été administratif. Seigneur, tu as étendu ta main, tu as manifesté ta grâce et nous voulons être reconnaissants pour cela. Nous te bénissons pour cela, Seigneur. Sois béni, sois loué et sois exalté. Merci pour ta grâce et ton amour au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons encore dire merci à Dieu parce que au niveau sur place, il y a des étrangers qui doivent être accueillis. Et les gens ont déjà trouvé des sites qui puissent les accueillir. Donc, on va dire merci à Dieu pour cette provision-là. Si on était dans un cas de figure où il n'y a pas de lieu où il faut héberger les gens, ça allait être des problèmes. Dieu a permis cela. Et je crois que pour la restauration aussi, ils ont déjà commencé à se préparer pour qu'il y ait des hommes et des femmes qui fassent partie de cette commission et puissent aider pour que les gens qui iront là-bas ne manquent pas de quoi manger. Donc, vous allez prier pour le logement. Dire merci à Dieu qui a pourvu qu'on ait des sites pour héberger les gens. Vous allez dire merci à Dieu de ce qu'il a déjà pourvu pour tout ce qui concerne l'aspect restauration. On va prier ensemble pour ça. Père, nous te bénissons. Nous te disons merci parce que tu as déjà accompli beaucoup de choses pour ce quarantenaire. Merci, Papa, pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce, merci pour tous tes bienfaits. Merci de ce que, Seigneur, sur le plan hébergement, comme sur le plan restauration, tu as manifesté ton amour et nous avons cette assurance. Nous te bénissons. Nous te rendons toute cette gloire, Seigneur, ce matin. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Bien. Nous allons prier maintenant pour les requêtes. Il y a toujours des voyages. Il y a des gens qui doivent quitter l'Occident pour venir. Certains sont en chemin. Nous, probablement, nous allons quitter ici pour aller à Orodara. Et les autres vont quitter les villages pour se rendre à Orodara. Je vais demander à la rangée de ma gauche, vous allez prier pour tous ces voyages. Allez comme retour, que Dieu même étende sa main, qu'il protège tous ceux qui vont faire un déplacement. Et quel que soit le moyen de locomotion qu'ils vont prendre, que Dieu même permette qu'il soit un moyen sûr, qu'ils fassent le déplacement, aller comme retour, sous la protection de Dieu. Vous allez prier pour ça. Bien. Ici, nous allons prier pour la sécurité. Pour tous ces gens qui vont faire le déplacement, qu'ils soient sous la protection de Dieu. Et pendant ces quelques jours que nous allons faire à Orodara, que la protection de Dieu soit également là. La parole de Dieu dit de ne pas nous confier simplement aux hommes. C'est vrai, sur le plan sécuritaire, ce sont des hommes qui vont venir, mais sans Dieu, leur sécurité, c'est tout ce qu'ils vont faire sera vain. Donc nous allons demander la sécurité, la surveillance de Dieu même sur tous ceux qui vont venir pendant la cérémonie, du début jusqu'à la fin, jusqu'à ce que les gens repartent chez eux, que Dieu même protège par ses anges. Nous allons prier pour ça. Prions ensemble. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Nous voulons, Seigneur, que pour encore cette célébration, que tes anges campent autour de la ville de Orodara. Tous ceux qui feront le trajet, quel que soit le déplacement qu'ils feront, que ce soit en groupe ou individuellement, que tes anges les accompagnent jusqu'à destination. Et pendant, Seigneur, le séjour, que rien ne puisse les manquer. Que, Seigneur, oui, le sang de Christ couvre toute la ville. Jusqu'au retour, que tu les accompagnes en sécurité aussi. Père, nous comptons sur toi. Nous avons cette assurance. Parce que lorsque nous demandons, nous recevons toujours. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Nous allons continuer à prier toujours pour la protection. Ce serait un moment de rassemblement. Et vous savez que pour un rien, une maladie qui se répand vite peut détruire toute chose. Donc nous allons demander que Dieu protège contre tout ce qui peut être maladie, que Dieu protège tous ceux qui feront le trajet pendant et après la cérémonie. Donc je vais demander à vous qui êtes ici de prier pour la protection de Dieu contre toute maladie et tout ce qui peut causer du tort à tous ceux qui vont participer. Ceux de ma gauche, je vais vous demander de prier pour tout le matériel qui sera utilisé. Que la main de Dieu soit sur ce matériel-là. On aura des instruments. Bon, on aura besoin de l'électricité. Ceux qui ont fait Orodara un peu savent que souvent les coupures sont assez récurrentes, c'est ça? Bon, et vous commencez quelque chose et puis c'est coupure. Donc, vous allez demander à Dieu de mettre sa main sur tous ces aspects-là. Que Dieu même protège. Qu'il couvre ses instruments par encore sa protection. Tout ce qui est nécessaire, que Dieu même soit le protecteur. Prions ensemble. Papa, merci. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Nous voulons te confier, Seigneur, l'aspect pratique. Que ton sang couvre toute la zone. Qu'aucune maladie ne puisse, Seigneur, toucher aux gens. Et que, Seigneur, ce soit dans la santé que les gens puissent faire cette célébration. Nous prions également, Seigneur, pour le matériel. C'est toi qui peux conduire, tu peux gérer, tu peux protéger, tu peux mettre à l'abri de toute panne. Merci pour cela. Sois béni et sois loué. Que toute la gloire, tout l'honneur te revienne à toi, le seul vrai Dieu. Nous te bénissons pour cela, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien. Nous allons prier pour les soucis qui sont toujours là. Je parle des pailles. On va demander à Dieu, qui connaît toutes choses, il peut faire arriver ces pailles C'est vrai, les dames disaient que si ça vient, bon, on ne sait pas. Mais elles ont la possibilité de couper et puis de se ceindre. Elles ont porté les pailles. Ben, les hommes, je ne sais pas comment nous on va faire, Bruce. Nous, si on va faire comme ça, si on fait ça, là, ils vont tellement rire de nous. Nous, on va pas faire ça. Mais on sait que ça arrivera à temps. Si Dieu veut que cela arrive, ça va arriver et les craintes qu'on a que les tailleurs ne sont pas corrects, ils seront corrects. Dieu connaît toutes choses. Donc, vous allez prier pour ça. Nous allons prier pour toutes les interventions. Beaucoup de gens vont intervenir, des discours, il y aura des temps d'enseignement. Et vous savez que ça sera un public multiforme. Il y aura des gens qui parlent anglais, pour d'autres qui parlent djoula, d'autres qui parlent français. Il faut qu'on ait des interprètes, n'est-ce pas? Bon, je suis un de ces interprètes-là. Donc vous allez prier pour tout ce monde-là. Parce que vous savez qu'interpréter n'est pas une mince affaire, n'est-ce pas? Ok. Donc vous allez prier pour tous ceux qui vont intervenir, les discours, que ce soit les autorités, tous ceux qui vont intervenir, que Dieu permette que ce qu'ils diront soit réellement ce qui édifie son peuple. Et vous allez prier pour ceux qui doivent être les canaux pour transmettre. Vous pouvez dire quelque chose de bien. Si l'interprète interprète mal, ça joue sur le message, n'est-ce pas? Donc vous allez prier pour que Dieu garde aussi ces interprètes-là, qu'il leur donne la lucidité nécessaire par son Saint-Esprit, afin qu'ils puissent bien faire le travail qu'on va leur demander. Vous allez prier pour cela. Prions ensemble. Père, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire et toute l'honneur. Merci Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Nous pensons à ces parents, Seigneur. Tu sais où ils sont. Et tu sais comment, si cela est ta volonté, comment ils peuvent arriver et que, Seigneur, les uns et les autres puissent s'en procurer et que la fête puisse être belle. Nous voulons que tu agisses. Merci infiniment pour tous les intervenants. Nous voulons t'élever, nous voulons te glorifier, nous voulons t'exalter. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous tenir debout, on va prier pour un dernier sujet. Toujours concernant cette célébration, je voudrais que nous prions pour que tout ce qui va se faire glorifie le nom de notre Seigneur. Voilà. Que toute la célébration, tous les aspects de cette célébration, le but soit de glorifier le nom de notre Dieu. Pourquoi cette célébration? Je crois qu'on a déjà dit plusieurs fois. Le travail a été entrepris, on a marché jusqu'à 40 ans. Ça vaut la peine de faire une halte et de dire merci à Dieu. Amen. Et quand on dit merci à Dieu, c'est reconnaître tous les bienfaits de Dieu. Tous les bienfaits de Dieu dans cette œuvre-là. Donc, je voudrais que chacun lève la voix et qu'on dise à Dieu, nous voulons que tout ce qui va se faire, que ce soit toi qui sois au centre, ta gloire qui soit au centre. Que tout ce qui peut être humain, toute recherche humaine, individuelle de gloire, que lui-même éteigne cela. On va demander cela à Dieu. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous t'avons déjà à plusieurs reprises parlé de cette célébration. Nous t'avons demandé, nous t'avons supplié, nous t'avons exalté. Nous voulons que tu agisses, que tu conduises, que tu aides, que tu permettes que cette célébration, ô Seigneur, que l'éclat de cette célébration soit pour glorifier ton unique nom. Que tu effaces devant, Seigneur, toute recherche individuelle de gloire, que tu éteignes cela au nom de Jésus. Merci, Papa. Merci, Papa, pour cela. Gloire et honneur à toi. Louange éternelle à toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Bien. Dans la deuxième partie, il y a d'autres sujets pour lesquels nous allons prier. Mais je voudrais qu'ensemble, nous confions aussi la santé de notre frère Issouf, qui est dans le monde. Ce matin, il a échangé avec moi. Il a un problème de peau et le traitement qu'il faisait, on lui a dit que c'était superficiel. Donc on lui a dit que ça doit être, il doit avoir d'autres produits. Il a été voir le dermatologue, il a pu avoir des produits et puis on a commencé des injections. Ce matin, il m'a dit qu'il a reçu deux injections hier et ça lui posait vraiment des problèmes pour marcher et que ce n'est pas sûr qu'il puisse aller à l'église. Et il doit encore avoir d'autres avant de rejoindre son poste. Donc je voudrais qu'on prie pour lui, que Dieu lui donne la santé. Et dans le même ordre d'idée, je voudrais que vous priez pour ma collègue Sabine, je crois que Martine le connaisse. Elle était celle qui s'occupait du financement des projets. Elle est malade et ça fait presque 5 jours qu'elle est hospitalisée au CEMA, la nouvelle partie là. J'ai été lui rendre visite hier. Je voudrais qu'on prie pour elle, que Dieu vraiment étende sa main pour lui donner la guérison. Donc on va prier pour ces deux sujets. Bon, pour le mariage de Paulin et Rhoda, on va ajouter cela aussi. Demander à Dieu tous les préparatifs qui sont en train d'avoir lieu, que lui-même soit au devant de toutes choses. Donc voilà les deux sujets, les sujets pour les deux les malades et puis le sujet pour les préparatifs. Et lors de la deuxième partie, on va aller dans les détails. Donc prions pour ces sujets-là. Prions. Père, nous te bénissons. Nous voulons te confier ceux qui sont souffrants dans leur corps. Nous pensons à Yusuf, Seigneur. Étends ta main. Agis. Manifeste ta grâce. Élève ton nom. Touche, Seigneur. Permets que l'Éternel Dieu retrouve la santé. Nous voulons te confier Sabine. Ô Seigneur, ta servante, tu la vois. Touche-la encore. Agis dans son corps, dans toute son âme, Seigneur. Relève-la. Libère son corps de tout esprit de mal. Nous te disons merci pour les préparatifs du mariage de Paul et Rhoda. Agis, Seigneur. Continue à pourvoir. Continue à protéger. Manifeste ta fidélité. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Je vais demander à Ali de lever la voix et de dire merci à Dieu parce que nous avons demandé à Dieu et nous avons l'assurance qu'il va répondre. Ali peut prier. Amen. Soyons tous bénis.